les bourgeois Serge Alouki, Jure Mambo. Beyazi de London, les bogards de tous les temps, Papi Louki, Fabrice Massamba, Maestro Arfete, toujours à rayon. Chiquito du Samba, Bichun Toya, Ndegona Tchirin Toya. Yaka tokenda mobembo, tokoli samongo, wanezala ki maroba ya Serge Alouki. Zoko me manga Paris, idea momongo teo. Oluka moto nanga kala, lelo ozi yango. Omoni singa pasi ya pamba, koka tisa London Paris. Zoko zala kiko zela mongo, ekola simo kima. Ata eloko ya mape, nasale liyo teo. Zoko kokende Serge, tike langa tike. Charles Kempwanza, Libera Kinzonzi. Jojo Muya, Frankie Kamunga, Prince Mpangi, Bana London. Le Viennes Angula, Inonzita. Yo, bossa ni papa signo soto, mona nana yo. Mbongo e kosi yo, Serge Loukie. Ko, bota ma la famille riche, sa maladie monene. Mbongo e kosi yo, Loukie. To banda kana pasi, le loto. Patrick Zola, Papi Menga de Vandom, Fatima Kusa na Paris. Yo, bossa ni papa signo soto, mona ngana yoye, mbongo e kosi yo mwana mama Serge. Ko, bota mana famille riche, sa mana di monene, zimbo e kosi yo lukie. Qui le Parisien Zoba? Ma collection qui m'a sema Toubi Basilwa, Nono Masaoula et Frajim Moula Valentin Vangousse, Isaac Moukoko. Bashiro Chamala. Yeah.